Ils éclairaient comme des lampes le teint un peu jaune de sa figure maigre. Arnoux semblait jouir de ses rebuts fades. Il se pencha de son côté en lui disant « Vous êtes gentille, embrassez-moi ». Elle le prit par les deux oreilles et le baisa sur le front. À ce moment, les danses s'arrêtèrent et, à la place du chef d'orchestre, parut un beau jeune homme, trop gras et d'une blancheur de cire. Il avait de longs cheveux noirs, disposés à la manière du Christ, un gilet de velours azur à grandes palmes d'or, l'air orgueilleux comme Pan, bête comme un dindon, et, quand il eut salué le public, il entama une chansonnette. C'était un villageois, narrant lui-même son voyage dans la capitale. L'artiste parlait bas normand, faisait l'homme saoul. Le refrain « Ah, j'ai tiri, dans ce gueusard de Paris !» soulevait des trépignements d'enthousiasme. Delmas, chanteur expressif, était trop malin pour le laisser refroidir. On lui passa vivement une guitare et il gémit une romance intitulée « Le frère de l'Albanaise ». Les paroles rappelèrent à Frédéric celles que chantait l'homme en haillon entre les tambours du bateau. Ses yeux s'attachaient involontairement sur le bas de la robe étalée devant lui. Après chaque couplet, il y avait une longue pause et le souffle du vent dans les arbres ressemblait au bruit des ondes. Mademoiselle Vatenaz, en écartant d'une main les branches d'un troène qui lui masquait la vue de l'estrade, contemplait le chanteur fixement, les narines ouvertes, le cil rapproché et comme perdu dans une joie sérieuse. « Très bien, » dit Arnoux, « je comprends pourquoi vous êtes ce soir à l'Alhambra. Delmas vous plaît, ma chère. » Elle ne voulut rien avouer. « Ah, quelle pudeur !» Et, montrant Frédéric, « Est-ce à cause de lui ? Vous auriez tort, pas de garçon plus discret !» Les autres, qui cherchaient leur ami, entrèrent dans la salle de verdure. Hussonnet les présenta. Arnoux fit une distribution de cigares et régala les sorbets de compagnie. Mademoiselle Vatenaz avait rougi en apercevant Dussardier. Elle se leva bientôt et, lui tendant la main, « Vous ne me remettez pas, monsieur Auguste ? Comment la connaissez-vous ? » demanda Frédéric. « Nous avons été dans la même maison, » reprit-il. Sisy le tirait par la manche. Ils sortirent et, à peine disparus, Mademoiselle Vatenaz commença l'éloge de son caractère. Elle ajouta même qu'il avait le génie du cœur. Puis on causa de Delmas qu'il pourrait, comme mime, avoir des succès au théâtre, et il s'ensuivit une discussion où l'on mêla Shakespeare, la censure, le style, le peuple, les recettes de la Porte Saint-Martin, Alexandre Dumas, Victor Hugo et Dumerzan. Arnoux avait connu plusieurs actrices célèbres, les jeunes gens se penchaient pour l'écouter, mais ses paroles étaient couvertes par le tapage de la musique et, sitôt le quadrille ou la polka terminée, tous s'abattaient sur les tables, appelaient le garçon, riaient, les bouteilles de bière et de limonade gazeuse détonnaient dans les feuillages, des femmes criaient comme des poules, quelquefois deux messieurs voulaient se battre, un voleur fut arrêté. Au galop, les danseurs envahirent les allées. Haletant, souriant et la face rouge, ils défilaient dans un tourbillon qui soulevait les robes avec les basques des habits. Les trombones rugissaient plus fort, le rythme s'accélérait derrière le cloître Moyen-Âge, on entendit des crépitations, des pétards éclatèrent, les soleils se mirent à tourner, la lueur des feux de Bengale, couleur d'émeraude, éclaira pendant une minute tout le jardin et, à la dernière fusée, la mule exhala un grand soupir. Elle s'écoula lentement. Un nuage de poudre à canon flottait dans l'air. Frédéric et Deslauriers marchaient au milieu de la foule, pas à pas, quand un spectacle les arrêta. Martinon se faisait rendre de la monnaie au dépôt des parapluies, et il accompagnait une femme d'une cinquantaine d'années, laide, magnifiquement vêtue et d'un rang social problématique. « Ce gaillard-là, dit Deslauriers, est moins simple qu'on ne suppose. Mais où est donc Sisy ?» Dussardier leur montra l'estaminet où ils aperçurent le fils des Preux devant un bol de punch en compagnie d'un chapeau rose. Hussonnet, qui s'était absenté depuis 5 minutes, reparut au même moment. Une jeune fille s'appuyait sur son bras en l'appelant tout haut « mon petit chat ». « Mais non !» lui disait-il. « Non, pas en public. Appelle-moi vicomte plutôt. Ça vous donne un genre cavalier, Louis XIII et bottes molles qui me plaît. Oui, mais bon, une ancienne. N'est-ce pas qu'elle est gentille ?» Il lui prenait le menton. « Salut ces messieurs, ce sont tous des fils de pairs de France. Je les fréquente pour qu'ils me nomment ambassadeur. » « Comme vous êtes fous !» soupira Mademoiselle Vatenaz. Elle prit Dussardier de la reconduire jusqu'à sa porte. Arnoux les regarda s'éloigner, puis, se tournant vers Frédéric, «

des agents de police le réveillèrent, convaincus qu'il avait fait la noce. Il se remit à marcher, mais comme il se sentait grand faim et que tous les restaurants étaient fermés, il alla souper dans un cabaret des Halles. Après quoi, jugeant qu'il était encore trop tôt, il flâna aux alentours de l'hôtel de ville jusqu'à 8h15. Des Lauriers avait depuis longtemps congédié sa donzelle et il écrivait sur la table au milieu de la chambre. Vers 4h, Monsieur de Sisy entra. Grâce à Dussardier, la veille au soir, il s'était abouché avec une dame et même il l'avait reconduite en voiture avec son mari jusqu'au seuil de sa maison où elle lui avait donné rendez-vous. Il en sortait. On ne connaissait pas ce nom-là. « Que voulez-vous que j'y fasse ?» dit Frédéric. Alors le gentilhomme battit la campagne. Il parlait de Mademoiselle Vatenaz, de l'Andalouse et de toutes les autres. Enfin, avec beaucoup de périphrases, il exposa le but de sa visite. Se fiant à la discrétion de son ami, il venait pour qu'il l'assistât dans une démarche après laquelle il se regarderait définitivement comme un homme, et Frédéric ne le refusa pas. Il conta l'histoire à des Lauriers sans dire la vérité sur ce qui le concernait personnellement. Le clerc trouva qu'il allait maintenant très bien. Cette déférence à ses conseils augmenta sa bonne humeur. C'était par elle qu'il avait séduit dès le premier jour Mademoiselle Clémence Daviou, brodeuse en or pour équipement militaire, la plus douce personne qui fût, et svelte comme un roseau avec de grands yeux bleus, continuellement ébahie. Le clerc abusait de sa candeur jusqu'à lui faire croire qu'il était décoré. Il ornait sa redingote d'un ruban rouge dans leur tête-à-tête, mais s'en privait en public pour ne point humilier son patron, disait-il. Du reste, il la tenait à distance, se laissait caresser comme un pacha et l'appelait « fille du peuple » par manière de rire. Elle lui apportait chaque fois de petits bouquets de violettes. Frédéric n'aurait pas voulu d'un tel amour. Cependant, lorsqu'il sortait bras dessus, bras dessous, pour se rendre dans un cabinet chez Pinson ou chez Barillot, il éprouvait une singulière tristesse. Frédéric ne savait pas combien, depuis un an, chaque jeudi, il avait fait souffrir des Lauriers quand il se brossait les ongles avant d'aller dîner rue de Choisel. Un soir que, du haut de son balcon, il venait de les regarder partir, il vit de loin une sonnette sur le pont d'Arcole. Le bohème se mit à l'appeler par des signaux et Frédéric, ayant descendu ses 5 étages, « Voici la chose, c'est samedi prochain, 24, la fête de Madame Arnoux. »« Comment, puisqu'elle s'appelle Marie ?»« Angèle aussi, n'importe. On festoiera dans leur maison de campagne à Saint-Cloud. Je suis chargée de vous en prévenir. Vous trouverez un véhicule à 3h au journal, ainsi convenu. Pardon de vous avoir dérangé, mais j'ai tant de courses. » Frédéric n'avait pas tourné les talons que son portier lui remit une lettre. Monsieur et Madame d'Ambreuse prient Monsieur F. Moreau de leur faire l'honneur de venir dîner chez eux samedi 24 courant, RSVP. Trop tard, pensa-t-il. Néanmoins, il montra la lettre à des Lauriers, lequel s'écria « Ah, enfin ! Mais tu n'as pas l'air content, pourquoi ?» Frédéric, ayant hésité quelque peu, dit qu'il avait le même jour une autre invitation. « Fais-moi le plaisir d'envoyer bouler la rue de Choiseul, pas de bêtises, je vais répondre pour toi, si ça te gêne. » Et le clerc écrivit une acceptation à la troisième personne. N'ayant jamais vu le monde qu'à travers la fièvre de ses convoitises, il se l'imaginait comme une création artificielle, fonctionnant en vertu des lois mathématiques. Un dîner en ville, la rencontre d'un homme en place, le sourire d'une jolie femme pouvaient, par une série d'actions, se déduisant les unes des autres, avoir de gigantesques résultats. Certains salons parisiens étaient comme ces machines qui prennent la matière à l'état brut et la rendent centuplée de valeur. Il croyait aux courtisanes conseillant les diplomates, aux riches mariages obtenus par les intrigues, au génie des galériens, aux docilités du hasard sous la main des forts. Enfin, il estimait la fréquentation des nombreuses tellement utile, et il parla si bien que Frédéric ne savait plus à quoi se résoudre. Il n'en devait pas moins, puisque c'était la fête de Madame Arnoux, lui offrir un cadeau. Il songea, naturellement, à une ombrelle afin de réparer sa maladresse. Or, il découvrit une marquise en soie gorge de pigeons, à petits manches d'ivoire ciselés et qui arrivait de la Chine. Mais cela coûtait 175 francs. Et il n'avait pas un sou, vivant même à crédit sur le trimestre prochain. Cependant, il la voulait, il y tenait, et malgré sa répugnance, il eut recours à des Lauriers. Des Lauriers lui répondit qu'il n'avait pas d'argent. « J'en ai besoin, » dit Frédéric, « grand besoin.